le stream comme on ouvre la route. Les viewers se posent, y'a plus de doute. Chaque vibe est calé, chaque mot résonne. J'fais danser les pixels, j'fais groover les hommes. Rider skill, c'est pas qu'un blaze. C'est un mouvement, une vibe qui phase. Chill dans la voix, feu dans les yeux. Et mes fidèles toujours présents, c'est sérieux. Wave rider. Smooth.